Ma robe est blanche, voile de mariée. J'imaginais que nous aurions une vie tranquille. Je pensais que mon mari restera ici. Mais l'homme est l'homme de mes rêves, de bien souvent parti. Aujourd'hui, ma robe est blanche, voile de mariée. J'imaginais que nous aurions une vie tranquille. Je pensais que mon mari restera ici. Mais l'homme est l'homme de mes rêves, de bien souvent parti. Oui, j'épousais un grand voyageur, mais j'ai vu Jésus aussi, j'ai compris. Qu'est-ce lui qui trouve la vérité, la suivra n'importe où. N'importe où. Qu'est-ce lui qui trouve la vérité, la suivra n'importe où. Oh, la lumière est venue dans les mains pour éclairer. En elle était la direction des hommes. C'était la lumière du commencement de la création, où tout homme retrouve le vrai sens de vie. Mais l'autre fois, tu te conduisais toi-même. Mais maintenant, une autre personne te prendra. Elle t'amènera. Elle t'amènera. Là où ton cœur ne veut pas. Elle. Son nom Jésus. Son nom Jésus. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est la vie, la vie, la vérité. Son nom Jésus, non, non, Jésus. Il est le chemin, il est le chemin. Il est la vie, il est la vie, la vérité. Et nous te verrons rentrer tous les soirs à la maison. Mais pour Jésus, il m'a fallu changer des visions. Ma messe est donc pour des rosiers, soupir ma vie. Comment peux-tu lui sourire lorsqu'il s'apprête à partir? Oui, j'épousais un grand voyageur. Oui, j'ai vu Jésus aussi, j'ai compris. Qu'est-ce lui qui trouve la vérité, la suivra n'importe où. N'importe où. Qu'est-ce lui qui trouve la vérité, la suivra n'importe où. N'importe où. N'importe où. N'importe où.